Bienvenue dans Exocet, chers amis, bienvenue dans l'émission qui vous parle de ce dont on ne vous parle pas ailleurs. Non. Le bizarre, l'étrange, le décalé, le mystique, l'intéressant très souvent, hein, l'effrayant parfois. Et là, ce soir, on va vous parler de pratiques occultes. Avec beaucoup de mystères qui entourent donc ces pratiques occultes, je pense notamment au vaudou dont Thomas va nous parler. Je pense au satanisme qui regroupe beaucoup de fantasmes, beaucoup de zones d'ombre. Donc on essaiera d'éclaircir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour du satanisme, de la religion sataniste et des cultes satanistes en général. Et on parlera, enfin Thomas nous parlera de la nécromancie. Voilà, oui, on abordera donc ce sujet certes vaste, mais justement, je vais essayer de vous éclairer les différentes pistes dans la nécromancie. Qui est donc, on peut résumer en deux secondes, le fait de lire dans les morts. De lire dans les morts, ou de les, même voir de les ressusciter, enfin, soi-disant. Voilà. Donc tout ça, oui, vous l'avez compris, c'est dans Exocet, et pour la première fois, avec la CAM, première émission d'Exocet, mais faites un coucou, rediffusée par la vidéo. Voilà. C'est vrai. Cette magnifique CAM. Que d'émotions. Donc voilà, signe cabalistique, en veux-tu, en voilà, beaucoup de choses comme ça, de signe de Spider-Man en même temps, hein, il suffit de, bah, de bientôt, d'orienter la main à 45 degrés. On égorgera des poulets bientôt en direct, hein, voilà. Vous inquiétez pas. Là on n'a pas eu le temps de s'organiser, mais donc on verra ça pour les semaines d'après, voilà. Donc Thomas va démarrer tout de suite avec le vaudou. Le vaudou, oui, donc qui est une pratique occulte, entre guillemets, hein, puisqu'elle est quand même vue par pas mal de monde, les personnes concernées essentiellement, comme une véritable religion. Alors en fait, elle est née de la rencontre de cultes traditionnels, en fait, de différents dieux traditionnels africains. Alors les dieux Yorubas et d'autres divinités Fan, alors ce sont deux peuplades africaines. Et en fait, elle a été créée lors de la création du royaume d'Abonné en Afrique au XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, en fait, il faut savoir donc que vaudou est une adaptation de ces cultes un petit peu ancestraux africains et que en fait, c'est un mot qui signifie tout simplement dieu en ancien africain. Donc vaudou découle directement d'une véritable religion, un peu comme si les Aztèques et les Mayas avaient survécu et que leur religion un petit peu spécifique par rapport à l'occidental avait découlé sur une religion qui serait devenue un petit peu occulte car oppressée, etc. D'accord. Donc en fait, il faut savoir que dans le vaudou, il y a un ensemble de dieux et de forces invisibles. Et en fait, les hommes essayent de concilier ces deux aspects de la vie en utilisant donc la puissance de l'appel, souvent des esprits ou des forces naturelles. Alors en fait, c'est tout simplement pour eux qu'il existe un monde surnaturel et un ensemble de procédures à mettre en place qui permettent en fait de rentrer en relation avec. Donc on connaît pour les plus classiques par exemple sacrifice de poulet, etc. Des choses ça fait toujours belle rire. Chanson belle chanson non, aussi non. Du ministère amer, tout à fait, oui, non, mais qui n'a pas tellement rapport. Donc on connaît un petit peu tous ces rites. Donc il faut savoir qu'il y en a vraiment des centaines, quasiment chaque prêtres vaudous, si on peut les appeler comme ça, ont leur spécificité, ont leur propre sacrifice, etc. Alors en fait, le vaudou a aussi d'autres noms, puisqu'on peut aussi l'appeler vaudou. Alors ça se prononce pareil, mais au lieu de s'écrire donc V-A-U-D-O-U, ça va s'écrire V-O-D-U. Et on peut même l'appeler le vaudhomme dans certaines parties du monde. Et donc cet art un petit peu séculaire et ce culte date exactement dans son existence moderne du XVIe siècle. Et en fait, on rejoint le siècle de l'esclavage. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que des esclaves africains qui ont été emmenés en fait du Bénin vers les Antilles, et plus spécialement Haïti, ont été donc pris de cultures qui avaient ces espèces de rites ancestraux, ces religions, ces anciennes religions africaines. Et donc les colons français, qui étaient présents dans les Antilles, ont tout fait en fait pour faire oublier ce passé aux esclaves arrivés aux Antilles. Donc leur passé, c'était leur culture, leur langue et bien évidemment leur religion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de complètement se convertir au catholicisme, qui a essayé d'être imposé donc par les nouveaux colons, eh bien, ils ont fait un espèce de mélange des deux, ce qui a donné le vaudou moderne. Donc, en fait, c'est toute nouvelle forme de religion et qui s'appelle même le syncrétisme. Mmh. Donc c'est ce mélange de religion traditionnelle catholique avec tous ces cultes un petit peu occultes qui existent autour du vaudou. Ouais, mais le syncrétisme d'une manière générale, c'est la fusion donc de diverses religions. Voilà. Quand on parle de syncrétisme, on parle d'un mélange de religions donc, et de cultes. Il faut savoir la seule différence réelle, donc c'est ces cultes un petit peu noirs et le fait que eux leur dieu a un nom, mais il rejoint énormément le dieu traditionnel que nous on connaît. Eux ils l'appellent le grand maître. Mmh. Mais donc là, même si le nom diverge, la symbolique est la même, donc c'est quand même empreint d'un mélange de culture monothéiste et de tradition séculaire. D'accord. Alors en fait, donc tout a commencé essentiellement à Haïti, bien que donc le vaudou aujourd'hui compte des adeptes au Bénin, puisque certains esclaves sont revenus au Bénin suite à la fin de l'esclavage, etc. Ils sont retournés dans leur pays, ils ont ramené cette nouvelle religion avec eux. Alors, ce qui a découlé au panthéon vaudou africain. Alors, le panthéon vaudou africain est constitué en fait, des forces de la nature. Donc, il y a les dieux vaudous, comme Yoa, Iwa, et leur relation, en fait, renvoie aux puissances naturelles, comme la foudre, la mer, la maladie. Mais en fait, le vaudou s'intéresse également à toutes les entités surnaturelles, donc tout ce qui est ancêtres, tous les ancêtres divinisés, en fait, sous forme d'esprit, etc., ou de demi-dieux, et puis aussi tout ce qui est monstre, souvent symbolisé par des animaux, entre guillemets classiques, mais croisés de façon bizarre avec une autre espèce, etc. Bref, pour créer des espèces de monstres proches du réel, mais quand même bien différents. Et enfin, le vaudou est bien sûr aussi assimilé à tout ce qui est, bien sûr assimilé toutes les divinités des tribus soumises. Donc c'est vraiment un terreau très riche, un mélange de plein de cultures, certes pour l'essentiel africaine, mais on voit qu'il y a des pénétrations de cultures occidentales dedans avec la religion monothéiste. Donc c'est vraiment un mélange, un bouillon de cultures religieux très particulier qui nous amène donc à cette religion spéciale où il y a donc plusieurs dieux au final. Alors il y en a un au sommet. Qui s'appelle Mawu ou Manuo, ça dépend comment on le prononce. Donc lui, c'est le dieu suprême. Il n'a pas de forme, il n'a jamais été représenté, donc il n'a pas de statuette, de peinture à son effigie, ce qui le diffère totalement des autres dieux. Donc ça, c'est le côté catholique de la religion. Donc un seul grand dieu, on ne connaît pas son image, et en gros, il chapeaute tous les autres. Et c'est là qu'ils rajoutent leur petite sauce, puisque ensuite viennent d'autres divinités, comme Gou, par exemple, qui est le dieu de la guerre et des forgerons. Il y a Sakpata, qui est le dieu de la variole, plus généralement maintenant de la maladie, de la guérison et de la terre. Il y a Ebieso, un dieu de l'orage et de la foudre. Alors lui, en fait, est souvent accompagné d'un nain, qui est censé forger les éclairs, en fait. Donc, Ça, c'est intelligent, hein, comme religion. Ah, il y a plein de petites vagues. Donc, on parle pas donc que de rituels de sorcellerie. On parle pas d'une vraie mythologie. D'une vraie mythologie. Oui, d'accord. Il y a Legba, donc lui qui est le messager des dieux, qui est un peu l'intermédiaire aussi entre tous ces différents dieux. Il y a Mami Wata. Alors, elle est très intéressante parce qu'en fait, son nom. Elle fait les gâteaux, elle. Mami Wata découle de l'anglais Mommy Water. Donc, en fait, c'est la déesse des eaux. Ouais. Donc, on voit là, par exemple, aussi une très forte influence. Enfin, forcément d'une culture européenne puisque ça découle directement de l'anglais. Donc elle est très crainte des pêcheurs, hein, parce que elle fait les tempêtes, mais elle fait aussi le fait qu'il y ait les poissons à pêcher, etc. Donc elle a un petit peu un double rôle. Et puis dans tout ça, il y a une entité animale qui existe, qui est le serpent, souvent un python. Et lui, en fait, donc il a assisté à la création de l'univers et il le supporte tout simplement, un petit peu comme en Inde ou dans les traditions hindouistes, il y a la tortue, si je me trompe pas, qui soutient la terre. Il y a beaucoup de cultes qui ont un animal qui supporte. Dans lesquels on retrouve cette idée de la tortue qui soutient la terre et qui est elle-même soutenue par une autre tortue et jusqu'en bas, comme ça, jusqu'en bas de l'univers. Ouais, on retrouve souvent cette idée. Voilà. Donc, directement, le serpent est inspiré un petit peu aussi de cette approche-là. Donc, au lieu d'être une tortue, c'est un serpent. Donc, on voit qu'on arrive quand même à une religion excessivement riche. Qui permet en fait donc de découler sur ce qu'on connaît maintenant avec les différents entre guillemets chamans, parce qu'ils ont pas réellement de nom officiel puisque on a du mal à s'accorder sur la terminologie employée. Donc ces personnages là, eux seraient en fait un petit peu les correspondants entre le monde des humains et le monde des dieux. Et serviraient en fait donc de messagers, et c'est à travers tous leurs rites un petit peu séculaires et spéciaux en fait qu'ils arriveraient à accéder à des divinités qu'ils considèrent eux comme existants, et même en particulier aux dieux catholiques, puisque eux prétendent pouvoir donc communiquer directement avec Dieu, contrairement à notre religion à nous, où on a forcément une distance. À la rigueur, c'est Dieu qui nous envoie un message s'il a envie de nous parler, mais on peut pas rentrer comme ça en contact. Bah, bientôt avec le wifi, on y arrivera. Ils sont en train de décoller. Donc voilà, c'est une religion vraiment, vraiment très intéressante, très bien construite. En fait, qui a une véritable mythologie, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Avant de préparer l'émission, je pensais vraiment que c'était juste des rites séculaires un petit peu improvisés par chaque chef religieux local. En fait, il en est rien du tout, et on rejoint quand même quelque chose d'assez structuré. Et donc, dans cette religion vaudou, il y a la nécromancie. Et la nécromancie, ça vous le découvrirez tout à l'heure, puisque la nécromancie est une partie intégrante de la religion vaudou, mais également de d'autres cultes un petit peu occultes. D'accord, mais alors là, tu parles pas donc des deux facettes les plus connues du vaudou. Alors je veux parler notamment des zombies. Ah oui, ces fameux zombies, oui. Les zombies qui viennent donc des cultes vaudou, quoi. Ça vient de cette mythologie-là, et du Baron Samedi. Alors, le Baron Samedi, effectivement, c'est un peu spécifique. Donc, les zombies, on y reviendra quand je vais parler de nécromancie, puisqu'en fait, cette pratique vaudou qui consiste donc à réveiller les morts, etc., découle de la pratique de la nécromancie, qui n'est pas propre à la religion vaudou, mais propre à des tonnes de cultes. Donc, ça sera abordé après. Et donc, c'est vrai que ce fameux Baron Samedi, bah, si tu veux te lancer, moi, je voulais faire une approche plus, entre guillemets, historique, si on veut dire, de la chose, bien que ce soit un personnage, effectivement, enfin... une divinité. Ah bah écoute, là, on est dans la section vaudou, là, je t'en prie, présente-nous le Baron Samedi, on est dans la section, là. Bon. Vaudou, et oui. Eh ben écoute, alors le Baron Samedi, donc, il découle lui aussi directement des Antilles. Uh-huh. Alors attends. Eh oui, le Baron Samedi. Non, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on retrouve souvent, notamment dans le cinéma, par exemple. Oui, oui, non, mais c'est clair. Avec son chapeau haut de forme et son maquillage blanc et noir. Parce qu'en fait, donc lui découle directement aussi de tout ce qui s'est passé au niveau de la piraterie dans à Haïti, dans les Antilles, etc. Donc c'est aussi on rencontre encore un mélange des genres, puisque il est à moitié rite séculaire et entité d'histoire vaudou, donc qui découlerait plutôt du côté africain de l'approche des choses, et en même temps c'est un personnage qui serait en gros le fantôme d'un pirate mort et décédé aux Antilles. Et donc, par contre, si tu veux continuer dessus, moi, ça me pose aucun souci, parce que si tu... c'est donc un personnage emblématique du vaudou, puisque c'est donc une sorte de sorcier suprême qui n'est ni bon ni mauvais. Donc ça, c'est illustré par son maquillage bigou, je dirais, comme les Danettes, hein, puisqu'il est moitié blanc, moitié noir. Malabar. Et donc, ce Baron Samedi, aurait donc des pouvoirs magiques. Ça serait donc une sorte de sorcier comme ça, et une sorte de croque-mitaine un petit peu du vaudou, finalement. Attention, finis ta soupe ou je vais appeler le Baron Samedi. Enfin, voilà, c'est une créature qui est sortie du cadre d'ailleurs du vaudou pour devenir finalement une figure de culture populaire, puisque voilà, on le retrouve souvent dans la littérature, on le retrouve souvent dans le cinéma, et donc voilà. Voilà, mais je voulais pas. Je pensais que t'allais nous parler un petit peu de ce Baron Samedi, mais je voulais pas. J'ai présumé de cette chronique, mais je pense qu'on reviendra donc plus en détail le vaudou tout à l'heure quand je parlerai de nécromancie. Oui, là, on va aborder par contre le sujet nécromancie. Voilà. Avec les zombies. Non, parce que voilà, on ne s'est pas consulté avant de préparer cette émission, donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait partir sur les zombies, parce que c'est vrai que c'est quand même un élément emblématique du vaudouisme. Mais donc voilà, on en parlera tout à l'heure dans la nécromancie. Et les zombies, oui, on peut juste dire deux petits mots, histoire de teaser un peu l'audience, dire que donc, c'est pas uniquement du mythe, mais il y a aussi une part de réalité dans l'idée de zombies, puisque donc on a vu notamment en Haïti de véritables zombies, nos antiques zombies. Mais il s'agissait pas donc de morts qui étaient revenus de leur tombe, comme le voudrait la légende, mais parfois de gens donc drogués, avec des poisons locaux, mais on en parlera donc tout à l'heure. C'est une des grandes subtilités justement de la nécromancie, c'est utiliser des subterfuges, soit psychotropes ou autres, pour faire croire à une assemblée qu'il y a des choses surnaturelles qui se passent. Effectivement... C'était tout un rite là-dessus. Très bien, donc on en parlera tout à l'heure. Moi, juste après la première pause musicale, je vous parlerai donc du satanisme, histoire d'éclaircir un petit peu donc ce domaine ô combien controversé et source de fantasmes, s'il en est, mesdames et messieurs. Le premier morceau qu'on va écouter, bien écoutez, c'est le premier extrait de Peeping Tom, le nouvel album là de Mike Patton, nouvel album en date qui vient de sortir, dans lequel il fait des guests avec à peu près tout le monde. Dans cet album, il y a des guests avec Norah Jones, un guest avec Massive Attack, un guest avec Danzy Automator, un avec Kid Koala, j'en passe et des meilleurs. Là, on va écouter le guest avec Razel. J'aurais bien aimé entendre le guest avec j'en passe et des meilleurs. Oui, non, ça, celui-là, je l'ai pas amené. Donc voilà. Ah, Razel. Mike Patton, Peeping Tom, restez avec nous. Juste après, on parle de satanisme. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Toujours dans Exocet, chers amis. Ouh, j'ai un petit peu craché dans le micro là, en retour de morceaux. Donc ça, c'était donc Mike Patton avec Razel, un extrait du dernier album Peeping Tom, hein, que moi j'attendais comme le Messie personnellement. Donc voilà, on parlait donc de rites occultes, de pratiques occultes. Alors Thomas, dans une première partie, a abordé le thème du vaudou, et moi, donc à présent, je voudrais vous parler du satanisme, donc qui est un terme qui renferme beaucoup de fantasmes, beaucoup de croyances, souvent erronées d'ailleurs. Et donc, alors, ce que je voudrais dire pour démarrer ce petit sujet sur le satanisme, c'est que d'abord, le terme satanisme en lui-même regroupe beaucoup de significations. C'est pas quelque chose de figé, puisque donc le satanisme est généralement considéré comme une religion dédiée au culte de Satan ou l'un de ses nombreux avatars. Mais il peut être aussi vu comme une philosophie de vie hédoniste, donc vouée au plaisir, comme celle par exemple que prône l'église satanique d'Anton LaVey, qui est donc le fondateur de l'église officielle de Satan, hein, voilà, en Amérique. Alors pour certains chrétiens conservateurs, par exemple, il faut savoir que tous les non-chrétiens sont satanistes. Voilà. Ben, oui. Vois, donc ça évite de faire le tri. On tape large, tu vois, ça veut dire que 90% de la population, pour certains donc chrétiens conservateurs par exemple, sont satanistes, puisque donc il y a que d'un côté les bons chrétiens et de l'autre les adeptes du démon, forcément. Et au niveau donc de l'église satanique, elle est reconnue en tant qu'église. Ah oui, c'est reconnu comme une église. Voilà, elle est pas entre guillemets occulte. Non, c'est reconnu comme une église. Mais alors tu vas voir ça. Donc alors pour d'autres, donc tous ceux qui ne font pas partie des religions abrahamiques, donc en l'occurrence les trois grandes religions monothéistes, sont des satanistes. Donc c'est peut-être un petit peu moins radical que les visions de certains chrétiens intégristes, mais c'est quand même assez radical tout de même, puisque ça concerne plus de 60% de la population finalement, les non-adeptes, voilà. C'est plus modéré un petit peu. Oui, voilà. Mais d'autres encore considèrent les adeptes des petites religions païennes, comme par exemple les néo-paganistes ou les adeptes de la Wicca, comme des adorateurs de Satan. Et également, par exemple, les adeptes du vaudou peuvent être considérés comme des adorateurs du démon. Pour des gens dont la vision est un petit peu étriquée, et j'en perds mes lunettes au milieu de la chronique. En fait, tout ça découle plus ou moins du temps aussi de l'Inquisition. Enfin, cette approche des religions qui ne sont pas celles entre guillemets alors officielles. Oui. Alors oui, et tu vas voir pourquoi. Mais d'abord, on va juste essayer d'être clair. Il y a deux sortes de satanisme en réalité, hein. D'un côté, ceux qui vouent un culte au diable chrétien. Voilà, d'accord. Comme ça c'est clair, et qui font donc indirectement partie du christianisme, de la religion, voilà. Du christianisme, puisqu'ils vouent un culte au diable chrétien. Et donc alors ces adeptes-là étaient assez communs durant la Renaissance par exemple, et ils pensaient obtenir des faveurs du diable en reniant Dieu, et donc ils pratiquaient certains rites magiques, certaines messes noires pour ce faire, et donc ils considéraient le diable comme une entité réelle. Donc finalement c'est vrai que ce satanisme-là est lié au christianisme, mais donc il reste assez rare, et ils n'ont pas fondé de réelle organisation cela. Par contre, il y a ensuite la religion sataniste en tant que telle, donc qui est apparue au XXe siècle et qui s'apparente davantage à une philosophie qui prône les plaisirs de la vie, et où Satan est considéré comme un principe et non pas comme un être, donc pas comme une créature qui existerait pour de vrai. Et le satanisme est en réalité une religion athée. D'accord. Où l'usage du terme Satan marque surtout sa dissociation avec les autres formes de croyances. Oui, Satan symbolise le fait de ne pas croire en Dieu et de ne pas croire de manière générale à un être supérieur. Voilà. Grosso modo, c'est un mot générique pour dire que on est athée en ayant quand même des rites un petit peu. On est athée et on s'oppose au principe de. En gros, on fait tout l'opposé de ce qui est religieux. On est plus athée, mais pas exactement, parce que ça, le fait de par exemple, d'adopter systématiquement les symboles inverses de la religion chrétienne. Déjà, finalement, ça s'apparente à la religion chrétienne, puisqu'il s'agit donc de symboles propres à cette religion-là. Mais en plus de ça, donc voilà, c'est ça, c'est surtout bon pour les adeptes du diable chrétien, et pas pour les satanistes qui donc sont athées et voient Satan comme un symbole finalement de vivacité, de sexualité, de liberté, et qui rejettent le mysticisme en fait, qui croient à la logique, et qui croient donc à la raison, et surtout pas donc au surnaturel, etc. Alors au début du XXe siècle, commencent à émerger des organisations dites lucifériennes, comme la Fraternita Saturni ou l'Astrum Argentum de Aleister Crowley, qui est un des personnages occultes les plus importants du XXe siècle. Et alors de ces noms, on retient souvent les orgies de drogue et de sexe avant le reste. Et donc il y a aussi des doctrines et des pratiques ésotériques, souvent issues de la Kabbale hébraïque d'ailleurs. Et cependant, Crowley d'ailleurs, donc Aleister Crowley sortira du lot et il créera sa religion, la religion télémite, qui est donc une doctrine philosophique et occulte, et elle laissera une trace par son esprit libertaire, cette religion là. Alors il faut attendre donc Anton Zandor Lavie et sa Bible satanique en 1968, qui est donc un acte de naissance de la philosophie et de la religion sataniste. Il faudra donc attendre Anton Lavie pour parler de satanisme moderne. Alors pour Lavie avait donc fondé 2 ans auparavant l'église de Satan à San Francisco, dans un acte surtout symbolique pour rassembler des individus liés par le mythe du prince des ténèbres, par le mythe et non pas par le diable lui-même, puisque donc il s'agit bien de symbolique, du mythe de Satan sur lequel le satanisme fonde sa philosophie. Il n'y a donc pas de croyance à une déité qui s'appellerait Satan, bien que le terme de religion soit employé. Donc il faut préciser le sens. Le satanisme moderne place le sentiment de divinité en soi-même. C'est une religion de l'ego finalement, une religion de l'homme. Et donc Satan représente surtout les instincts charnels de l'homme et l'affirmation de sa volonté avant tout. Voilà. Alors Lavie puise son inspiration dans Nietzsche, dans Darwin ou encore dans le psychanalyste Jung. Donc voilà, c'est quelque chose de très terre-à-terre finalement, et pas de mystique. Voilà, mais en fait, c'est en toute logique que forcément ça s'oppose à la religion traditionnelle, genre catholique, etc. Ouais. Puisque elle, au contraire, les religions ont plutôt tendance à mettre la pression un petit peu et à brider tous les instincts un petit peu animaux qu'on pourrait avoir. Voilà. Et donc c'est vrai que si on adopte un mode de vie, entre guillemets, une religion de vie, on va pouvoir l'appeler comme ça, une religion de vie qui au contraire va vers le libertaire, etc. On s'oppose forcément à tous ces dogmes, etc. Et on passe pour des ésotériques forcément, alors qu'on peut être juste pas pratiquant et avoir envie d'être libertaire. Absolument, quoi. Et c'est pour ça que donc là, dans ce cas précis, Satan est juste un symbole d'une rébellion face à certains dogmes un petit peu c'est un petit peu de la provocation opprimant. En fait, quelque part. Oui, et c'est aussi la provocation. Donc le satanisme de Lavie prône donc la logique, le libre arbitre, et rejette donc le mysticisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire les connaissances surnaturelles ou non sensorielles. Alors Anton Lavie a érigé 11 règles qui résument le pragmatisme de sa religion, ce côté terre-à-terre, logique, et voilà. Donc alors la première règle, je vais vous citer les 11 règles, la première règle c'est: ne donnez pas votre opinion ou vos conseils à moins qu'on ne vous les demande, parce qu'en fait c'est une religion qui prône la liberté, et surtout le respect de la liberté d'autrui, et donc en fait il y a des trucs assez... ma foi, assez raisonnable dans ces commandements-là. Par exemple, ne confiez pas vos angoisses ou votre trouble à autrui, à moins que vous ne soyez certain d'être écouté. Si vous allez dans la maison d'un autre, montrez-lui du respect, sinon n'y allez pas. Si un invité dans votre maison vous contrarie, traitez-le sans pitié. Ne faites pas... ce qui veut dire, entre les lignes, quoi. Ah, ça peut être, on fait ce qu'on veut. Ne faites pas d'avance, quelle qu'elle soit, à moins que vous ne puissiez réaliser ce que vous avancez. Ne prenez pas ce qui ne nous appartient pas, à moins que ce bien soulage son propriétaire et qu'il veuille s'en défaire. Une des règles là, donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'allumeuse chez les satanistes. Apparemment pas, hein, donc voilà. Elles vont jusqu'au bout du truc en général. D'accord. Alors, reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez employé avec succès pour réaliser vos désirs. Si vous reniez ces pouvoirs après y avoir fait appel avec succès, vous perdrez tout ce que vous aurez obtenu par leur aide. Alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que prône Lavie en disant qu'il rejette le mysticisme, puisqu'on retrouve quand même cette idée de rite, mais c'est surtout pour donner une identité finalement à cette religion-là, plutôt que pour réellement invoquer quelques divinités ou quelques démons. Alors ensuite, 8, ne maltraitez pas les enfants, ne tuez pas d'animaux. Donc c'est une religion écolo quelque part, parce qu'il faut respecter la nature, ne pas maltraiter les animaux. Et assez c'est vrai, cool. C'est vrai que par certains points, des fois, sans faire une comparaison aussi tranchée, je me retrouve un peu dans l'état d'esprit que pouvaient avoir certains 68 arts à l'époque de justement de la liberté sexuelle, etc. Ouais. Je trouve qu'il y a c'est un très petit proche. Côté, c'est très très proche. Mais en fait, le satanisme peut tout à fait être rallié finalement à la plupart des mouvements libertaires qu'on a pu trouver, oui, notamment chez les étudiants en 68 et même en Amérique, c'était valable. Cette idée de reprise de sa liberté par l'homme qui arrête donc d'être à la merci d'un Dieu tout puissant, et puis ce fait d'avoir enfin le contrôle de ses pulsions, de pouvoir s'adonner au plaisir, c'est vrai que ça on le retrouve dans les idées de 68 ou dans d'autres révolutions du même type, révolutions sexuelles, etc. Mmh. Et donc l'image de Satan, qui représente aussi le sexe, la tentation, permettait de canaliser tout ça, et donc voilà pourquoi ça n'a rien d'occulte, et c'est pas comparable aux adorateurs du diable, et on trouve pas de par exemple de messes noires ou de sacrifices de petits animaux dans le satanisme religieux en tout cas, mm-hmm. puisque donc c'est pas le propos. Alors il y a des principes fondamentaux donc suivant le satanisme religieux, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que l'église de Satan qui a fondé la vie, il y en a d'autres, hein, d'églises de ce type-là qui se revendiquent du satanisme, et donc ils ont des principes qui ont été quand même, la plupart du temps, érigés par la vie, puisqu'ensuite, il y a eu des scissions, il y a des adeptes qui ont créé leur propre truc, comme le temple de Seth, par exemple, qui a été créé dans les années 70 par un ancien adepte de l'église de Satan. Alors, voici quelques principe donc encore du satanisme. Alors Dieu a été créé de toutes pièces par l'homme, nous sommes tous notre propre Dieu, libre à vous de l'accepter ou non, voilà ce qu'il prône, donc finalement c'est une position purement athée. Le paradis et l'enfer n'existent pas, il s'agit tout simplement d'une invention de la religion chrétienne pour tenir ses disciples tranquilles et ainsi récolter leurs précieuses taxes. Bon alors là c'est vrai que c'est un petit peu la position des athées d'une manière générale. Oui, on se dit que la religion est l'opium du peuple. Et voilà. C'est pas le propre du satanisme, finalement on pourrait presque parler de bon sens, voilà, on parle de mythes qui ont été créés donc pour que l'homme soit tenu par sa peur de l'enfer, pour asseoir un certain pouvoir aussi. Voilà. Alors Satan n'est pas un être spirituel, c'est une force de la nature. Le nom Satan à l'origine désignait opposition et accusateur. Alors le satanisme se veut donc une opposition face aux religions qui tentent d'étouffer les instincts naturels de l'homme. Donc voilà encore une des positions du satanisme. Et donc les satanismes ne célèbrent pas en principe de messe noire, puisque c'est une parodie de la religion catholique, ils veulent pas être affiliés à cette religion, et donc voilà, pas de rituel qui consiste à tuer des humains ou des animaux, donc en fait le nom de la religion satanique vient plus du sens satanique, il y a plus opposition, du symbole, voilà. Puis même dans son sens d'opposition et de, je sais plus les deux termes que j'ai dit, opposition et accusateur donc, voilà, c'est qui dénonce les abus de la religion, c'est plus chrétienne. Ce sens là qui est récupéré dans le terme satanique que l'image que les catholiques eux donnent aux satanistes, voilà. Et à Satan. En fait. Donc il faut bien distinguer d'un côté les satanistes philosophes finalement qui prônent cette liberté et puis cette manière hédoniste d'aborder la vie avec les plaisirs et le libre arbitre et la raison, etc. Il faut bien distinguer ça et donc les adorateurs du diable chrétien. Mm-hmm. Donc là c'est tout à fait différent. Donc comme on le disait, ça on l'a retrouvé dans toutes les époques des chrétiens peut-être à la base qui décidaient de se rebeller contre Dieu. En espérant obtenir des faveurs de Satan, mais là pour en le disant coup, qu'il avait besoin d'un coup de main parce qu'il n'y avait personne de son côté. Possible aussi. Et là pour le coup, il considérait Satan comme donc une véritable créature avec de vrais pouvoirs. Donc c'est complètement différent. On a d'un côté de la symbolique et de l'autre du premier degré. Alors il faut dire aussi que comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais d'inquisition, et c'est vrai qu'au XVIe siècle donc est apparu ce qu'on appelle le satanisme gothique, alors qu'il ne faut pas affilier au mouvement gothique actuel qui est donc purement pop culturel. Le satanisme gothique donc c'était une religion imaginaire et profondément donc démoniaque qui a été créée par l'église chrétienne en fait. D'accord. Pour diaboliser, c'est le cas de le dire, tous les adeptes de religions païennes, alors que ce soit donc les adeptes de sorcellerie, de la Wicca, ou les païens d'une manière générale, pour pouvoir tous les brûler un bon coup et donc éliminer les infidèles, mais en fait, en les diabolisant, disant que c'était les adeptes du démon, des adorateurs de Satan. Et oui. Mais en fait, j'aurais aimé, entre guillemets, connaître la chronologie, parce que ça appelle un petit peu la question que je me posais tout à l'heure, puisque justement, le mot satanique, à la base, veut pas forcément dire adorateur de Satan, mais plutôt rebelle, entre guillemets, etc., accusateur. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce que les religions sataniques se sont appelées comme ça avant, et du coup, les religions, pour les diaboliser, ont utilisé le mot Satan pour désigner le pire ennemi qu'ils ont dans leur religion? Alors voilà, non. Pas du tout. Très clairement, il y a eu d'un côté, au fil des siècles, des cultes voués au diable chrétien. D'accord. Mais donc, ce sont des cultes qui appartiennent finalement indirectement à la religion chrétienne. On parle pas d'église satanique. Donc, d'un côté, il y a eu des cultes comme ça, mais qui restent marginaux. Et de l'autre, il y a la religion satanique, donc l'église de Satan, qui naît au XXe siècle avec des personnages. D'accord, comme... D'accord, oui. Donc, le mot Satan existait voilà. déjà depuis longtemps dans la religion voilà, catholique. Voilà, oui, bien sûr. Oui. Et Satan, donc, définit l'ange déchu qui se rebelle donc contre Dieu, qui apporte la connaissance aux hommes, qui apporte beaucoup de choses aux hommes, un peu comme Prométhée dans la mythologie grecque, et qui apporte le feu aux hommes, et qui donc depuis se fait bouffer le foie par un aigle. Ah, lui il est en mauvaise position. Comme c'est un dieu, son foie repousse tout le temps, donc il n'arrête pas de souffrir. Et donc on retrouve cette idée donc du dieu qui apporte quelque chose aux hommes, et donc il l'élève au même niveau que les dieux, et qui est puni pour ça. Et donc c'est l'idée donc de Satan aussi, qui est donc un ange prométhéen, puisque donc voilà, en s'opposant à la toute puissance de Dieu, il devient son ennemi, voilà. Et donc là c'est plutôt dans la symbolique qu'aujourd'hui Satan est adopté. Donc voilà, alors je rappelle donc voilà, au XVIe siècle, il y avait cette diabolisation de toutes les religions païennes, donc toutes les religions qui n'épousaient pas les dogmes de la religion chrétienne. Elles étaient diabolisées en bloc, les sorciers, etc. Pour qu'on brûle tout ce petit monde. Et elles étaient mises un peu dans le même sac, quoi. Il y avait pas trop de distinction. Oui, voilà. Comme ça, c'était facile. C'était les adorateurs de Satan. Et donc, il y a beaucoup de mythes qui ont été créés à l'époque et qui sont maintenus encore aujourd'hui. Donc, on parlait évidemment de sacrifices d'enfants qui étaient bouillis. Des mythes qu'on a aussi associés aux sorcières, hein, les sorcières qui tuent les enfants, etc. Alors que le paganisme, les sorcières, la Wicca, c'est des cultes donc qui sont très proches de la nature, souvent écologistes, etc. Quelque part, l'Inquisition était plus satanique que ceux qu'elle accusait de satanisme, ça c'est clair. Aucun culte satanique, de toute manière, n'a fait couler autant de sang que la religion, ça c'est clair et net. Mais donc, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Parce que bon, il y a la pop culture, bien évidemment, qui s'est emparée du symbole de Satan et du satanisme en général, mais rien qui puisse être affilié donc à la religion satanique, puisque donc voilà, on parle de goth aujourd'hui, etc., mais c'est purement pop culturel, c'est des tendances culturelles qui sont liées à la musique, etc., puisque donc il faut bien que les adolescents qui conservent justement ce côté rebelle, contestataire, etc., qu'on retrouve on le retrouve toujours, ça. Et c'est vrai que le fait de s'opposer à la religion dominante, c'est un peu une manière de s'opposer à tout, voilà, c'est un peu le summum de l'opposition, voilà, on s'oppose à ses parents, on s'oppose aux valeurs, on s'oppose à la société. Et donc le satanisme pop culturel, comme on pourrait l'appeler, finalement c'est une sorte de syncrétisme aussi, puisqu'on retrouve des éléments de magie, des éléments de sorcellerie, des éléments de paganisme, des éléments d'occulte d'une façon générale, une imagerie gothique, une imagerie sataniste. Et donc tous les groupes qui récupèrent cette imagerie là et ces codes là ne sont pas des satanistes, hein. Il faut quand même expliquer aux parents que si vos gamins écoutent je sais pas du black metal, écoutent Marilyn Manson et s'habillent en noir, c'est pas pour ça qu'ils vont donc triturer des bébés à la pleine lune. C'est simplement donc une imagerie, comme tous les adolescents se doivent d'en avoir une et d'avoir une identité. Bon, ben, c'est... comme les punks ont la leur, etc. Voilà. Mais il s'agit pas de religion. Il s'agit pas de religion. Voilà. Et très souvent donc oui, les groupes qui se revendiquent donc du satanisme, encore une fois, c'est pour récupérer l'image donc contestataire, rebelle et diabolique, hein, histoire de faire le méchant un petit peu, genre c'est vrai que ça représente le mal, ça représente la rébellion suprême, donc forcément ça colle avec l'esprit du rock, avec l'esprit du métal. Donc c'est pour ça qu'on a souvent retrouvé la figure du diable associée à certains groupes, mais donc il s'agit pas ni de religion ni de culte, mais simplement de tendance. Tout comme le rappeur qui est habillé en rappeur ne vend pas forcément du shit, le satanique qui est habillé en satanique ne torture pas forcément des bébés ou égorge les autres. Voilà, on peut même considérer de manière générale que le symbole de Satan s'apparente donc davantage à la rébellion, à la liberté, qu'au sacrifice de bébés, etc. C'est vraiment un symbole fort qui peut se rapprocher finalement du symbole de l'anarchie. L'idée de liberté en général et d'opposition au dogme dominant, à la religion, à la société. Donc voilà. Et la bille ne fait pas le moine. Voilà. Là, c'est le cas de le dire, hein, parce que là, pour le coup, ça fait pas le moine du tout. Donc, voilà avec le satanisme. Chers amis, on marque une seconde pause musicale, avant que Thomas, donc, nous parle de nécromancie. Ça va être sympathique. Restez sur Rage. Dans Exocet, chers amis, un Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, je sais pas pourquoi, mais ce soir j'ai comme la bouche pâteuse, hein, très bizarrement. Oui, si vous rejoignez à l'instant, donc on parle de pratiques occultes. On a donc parlé de vaudou, on a parlé de satanisme, et Thomas va nous parler à présent de nécromancie. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la nécromancie. Donc, la nécromancie, ça vient du latin necromantia. En fait, c'est ce qui concerne tout ce qui est la divination des morts ou le fait d'invoquer des morts pour connaître des événements futurs, voire, dans certains cas, acquérir certains pouvoirs magiques grâce donc à la force des gens qui sont morts, tout simplement, et de leurs cadavres. Bah, si j'étais vraiment fort, ils seraient pas morts. Oui, mais c'est parce que, écoute, c'est parce qu'une fois qu'ils meurent, ils arrivent dans un, alors voilà, tout repose dessus, en fait. Donc, quand on meurt, selon, donc, les pratiques nécromantiques, notre esprit va dans un monde différent. Donc ça s'apparente à tout ce qui est religieux, etc. Rien de trop original. Si ce n'est que dans ce monde différent, on a la possibilité d'acquérir certaines forces et certains pouvoirs. Et donc, si jamais on arrive à communiquer avec un esprit mort, ben, cet esprit mort peut nous apprendre de son expérience et nous guider. Ou si, en tout cas, il nous apprend pas comment faire, il peut nous dire, il va se passer ça. Si, par exemple, il veut pas nous dire, soi-disant, comment voir dans l'avenir, il peut nous faire, bah écoute, je te dis pas comment tu fais pour voir dans l'avenir, mais en tout cas, il va se passer ça. Donc, on communique avec eux, et tout repose donc dans la nécromancie là-dessus. Alors, en fait, il est fort possible que la nécromancie soit directement en relation avec le chamanisme indien d'Amérique du Nord. Donc ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, on abordera ça. Alors, bien que ce soit diamétralement opposé, l'origine serait sans doute la même, même si au final on n'arrive pas sur le même type de rite. Il y a quand même des points communs, et donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, parce que donc le chamanisme, comme la nécromancie, fait également appel aux esprits, même si c'est pas avec la même optique et avec la même forme. Dans la nécromancie, c'était la forme de divination la plus importante chez les peuples perses et spécialement aussi à Babylone. Donc Babylone, la fameuse la cité qui a été détruite. Alors on trouve des traces également dans les cultures nordiques de la nécromancie, dans tout ce qui est tradition viking par exemple. On retrouve énormément de traces de nécromancie. On trouve des traces de la nécromancie également dans l'Odyssée. Par exemple, il y a tout un passage dans l'Odyssée où Ulysse évoque tout simplement les esprits des morts. Donc, il fait directement la nécromancie. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est un mouvement entre guillemets qui s'est un petit peu dispatché comme ça, un petit peu partout dans le monde, du fait que c'est une croyance quand même assez tentante pour le commun des mortels de se dire qu'effectivement on va pouvoir communiquer avec un mort, surtout si en retour ce mort peut, en dehors du fait de nous apporter la chance de pouvoir communiquer avec quelqu'un qu'on a connu par exemple, peut nous apporter en plus du bien-être et nous prédire l'avenir, etc. C'est quand même du tout bénéfice, donc on comprend pourquoi cet aspect de la religion, de cette religion occulte a séduit, a réussi comme ça à traverser un petit peu les continents. Alors, il faut savoir que la nécromancie, donc, se divise en plusieurs parties. La première, c'est l'anthropomancie. Donc ça, c'est la divination par le mort. Donc là, on utilise, grosso modo, des cadavres pour réussir à faire les actes divinatoires, etc. Il y a ensuite le Liwiglunga, je sais pas trop comment le prononcer, celui-là. Alors ça, c'est tout ce qui est magie par le corps. Donc là, on va utiliser des animaux sacrifiés ou d'autres entité ex-vivante puisque morte maintenant, pour acquérir des pouvoirs magiques, une force supplémentaire, un regain de santé, etc. Voire même par pouvoir préparer certaines potions à effet bénéfique, voire maléfique, puisqu'il y a les deux. Dans la nécromancie, il y a une partie qui s'appelle nécromancie, c'est un peu comme au Luxembourg où la capitale est Luxembourg. Et donc là, c'est tout ce qui va concerner l'évocation, l'invocation des morts en tant que tels. Donc là, on se sert pas forcément de leurs cadavres, mais on essaye de rentrer en contact avec eux pour diverses raisons. Il y a la sciomancie, qui elle est la divination des ombres des morts. Alors là, ça devient particulier puisqu'on ne s'adresse plus à l'entité, mais à son image dans l'autre monde. Mmh. Alors c'est une subtilité très fine entre invoquer le mort directement ou invoquer son ombre, sur laquelle je vais pas m'étaler parce que c'est pas fondamentalement très intéressant, mais donc c'est une des branches de la nécromancie. Et puis finalement, ce qui restait globalement, surtout à notre époque, hormis donc dans toutes ces traditions un petit peu ancestrales qui sont restées comme le vaudou, etc., dans certains pays bien implantés, nous dans nos pays occidentaux, ce qu'on connaît le plus comme partie, c'est le spiritisme. Et le spiritisme, donc c'est de la nécromancie. Le spiritisme, c'est le fait de communiquer avec les morts. Donc en fait, la nécromancie, c'est un terme, c'est une pratique qui regroupe toutes les activités liées avec la mort. Donc c'est soit l'étude de la mort, soit l'étude des comportements des morts après la vie, etc. Soit tout simplement l'acquisition de pouvoir. Alors en fait, il faut savoir que donc dans une certaine mesure, la nécromancie, je vais y arriver, oui, permettrait également donc de ressusciter des cadavres. Mmh. Et donc tu évoquais donc tout à l'heure ces cas célèbres, donc dans en tout cas les pratiques vaudou, de cadavres qui se seraient réveillés, etc., devant de nombreux témoins. Donc comme tu parles de zombies, on parle donc de zombies. Voilà. Et donc c'est vrai que l'amalgame a été un petit peu fait entre le fait qu'on puisse ressusciter les morts. Et qui est un petit peu le fantasme qu'on se fait de la nécromancie, et ce qui est la réalité, qui est transformer les gens en zombies, qui en fait, paradoxalement, même si ça n'a pas l'air comme ça, est radicalement différent, puisque réveiller les morts, bon, ça serait donc réussir à faire en sorte qu'un cadavre sorte de terre et déambule comme dans les films de Romero. Transformer les gens en zombies, c'est tout simplement utiliser, entre guillemets, des subterfuges. Alors eux, dans leur tradition vaudou ou autre, vous diront que c'est pas des subterfuges, que ça fait partie intégrante forcément du rite, et que c'est pas parce qu'on a pris une drogue qu'on a des hallucinations ou qu'on commence à avoir une attitude zombiesque, par exemple. Même si scientifiquement c'est l'explication évidemment tout à fait rationnelle et convaincante. Donc c'est l'utilisation de divers drogues pour faire passer une certaine partie de la population, etc., à l'état zombiesque, donc comme des morts vivants, hein, comme dans un cimetière, sauf que à la base la personne est vivante, et en gros on déconnecte un petit peu son esprit de son corps, et ça devient une espèce d'entité qui a du mal à savoir trop où elle est dans l'espace, où est-ce qu'elle se déplace, et donc il y a cette attitude et cette approche un petit peu zombie, complètement déconnectée du monde, tout comme quelqu'un qui aurait pris trop de drogue dure par exemple. Et alors le but, si je me souviens bien, était donc de réduire en esclavage les fameux zombies, donc droguer ces personnes, de sorte à ce qu'elles perdent donc leur libre arbitre et qu'elles soient donc réduites en esclavage. Alors, par les sorciers ou par les clients qui demandent aux sorciers de zombifier. Alors voilà, en fait ce qu'il y a, c'est que à la base, comme toute religion, donc là si on va partir sur la religion vaudou, donc qui pratique beaucoup la nécromancie de cet aspect-là, sur ce point-là, donc transformer les gens en zombies, au départ c'est vrai que les choses sont faites pour le bénéfice entre guillemets de l'humanité. Donc ça, en fait, au départ, transformer les gens en zombies, ça permettait donc de pouvoir être en relation plus intime, donc avec l'au-delà, etc., une sorte de transe, voilà, mystique, de chaman, de rentrer en transe, etc. Et donc c'est vrai que on s'est très vite aperçu, enfin en tout cas certaines personnes intéressées se sont très vite aperçues qu'ils pouvaient tirer avantage forcément de prendre possession comme ça et contrôle des gens. Et donc c'est vrai, bah, tout comme dans la religion catholique, il y en a qui ont profité un petit peu de la faiblesse des gens pour les utiliser dans leur propre intérêt. Là, ils ont utilisé le côté zombie, effectivement, pour pouvoir réduire certaines personnes en esclavage, etc. Et ce qui est assez, effectivement, dramatique, entre guillemets, c'est que c'est absolument efficace. Ça marche vraiment très bien, puisque les drogues utilisées sont extrêmement puissantes. Et c'est vrai que tant que la personne transformée en zombie continue son traitement de drogue, j'ai envie de dire, eh bien, elle va rester zombie et complètement, complètement dépendante et contrôlable et soumise voilà. À la volonté de, à la volonté de son maître entre guillemets quoi. Et c'est là donc que le lien avec le chamanisme apparaît, puisque donc dans, par exemple, dans le chamanisme amazonien, on sait que les personnes donc qui s'adonnent à la transe en absorbant des substances psychotropes, comme par exemple donc l'ayahuasca en Amazonie, il faut que le chaman soit là pour guider la personne, sinon forcément elle pète les plombs puisque les hallucinations sont très fortes. Et donc on peut aisément imaginer que si la personne est mal dirigée ou si elle est dirigée par une personne qui a des intentions néfastes, on peut donc en faire ce qu'on en veut en gros, hein, donc un zombie. C'est voilà, enfin pour faire une comparaison avec une substance que on pourrait nous connaître, ça serait un petit peu comme prendre le pouvoir sur quelqu'un qui aurait pris du LSD, mettons. Voilà. Qui devient complètement déconnecté de ce qui se passe. Alors bon, les effets sont pas tout à fait les mêmes, mais on peut le comparer un petit peu comme ça. Ou même de l'alcool à forte dose. Ou même de l'alcool à forte dose. Sans aller jusqu'au LSD, voilà, quelqu'un qui est totalement bourré, on peut en faire un peu ce qu'on en veut, quoi. Ah bah là, c'est ça, mais voilà. fois mille, quoi. Et donc c'est clair que c'est forcément tentant, en tout cas pour certaines personnes. Ça n'engage que toi. Non, mais c'est forcément tentant. Ouais. C'est clair que pouvoir prendre le contrôle comme ça sur son voisin, sur une femme qu'on convoite, on revient sur terre. Sur une femme qu'on convoite, etc. On comprend que c'est séduit pas mal de monde, effectivement. Et alors, donc, j'avais lu aussi que les sorciers vaudous, pour zombifier les personnes que leur désignaient leurs clients, profitaient du fait que en Haïti, notamment à l'époque, les gens marchaient pieds nus la plupart du temps. Donc, ils profitaient de ce fait-là pour enduire leur paillasson ou leur sol de poison, de drogue finalement, pour que donc la drogue pénètre par la plante des pieds et que voilà les gens. Alors, il y a eu plusieurs techniques. Donc, effectivement, il y a eu celle-là. Il y a eu des sorciers qui ont directement empoisonné donc à la fléchette des animaux qui étaient autour en fait du village, sachant très bien que les gens par exemple allaient les consommer, voire certains utilisaient une soi-disant offrande, donc ils venaient en tant que sorciers en disant voilà j'ai préparé cette magnifique potion pour que vous vous sentiez mieux, etc. Et en fait utilisaient leur pouvoir entre guillemets, en tout cas leur supériorité sur les gens pour les inciter à boire, etc. Donc oui, c'est clair qu'il y a eu pas mal de subterfuges. Le plus connu effectivement étant celui de mettre dans la paillasse, mais après donc effectivement ça passe par les aliments, ça passe par le puits du village aussi souvent. Voilà, l'eau du village se retrouve contaminée. Ah, c'est bien référence à Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, hein. Un grand classique d'ailleurs, très bien. Et donc voilà, donc c'est sur la nécromancie, on a fait un petit peu le tour. Oui, donc pour terminer juste comme ça rapidement, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un lien assez étroit avec le chamanisme d'Amérique du Nord qu'on connaissait donc chez les Indiens d'Amérique du Nord, tout simplement un petit peu comme ceux d'Amérique du Sud, donc on abordait le sujet, tout simplement pourquoi ? Parce que ce sont des pratiques qui s'orientent sur la même optique, c'est-à-dire communiquer avec les morts. Après, c'est vrai que dans le côté indien, alors en même temps, enfin indien d'Amérique du Nord, alors en même temps, on les a pas laissés vivre entre guillemets assez longtemps pour voir ce qu'aurait donné leur religion et sur quoi elle aurait découlé. Mais c'est vrai qu'en tout cas à l'origine et ce qu'on en connaît aujourd'hui, c'était beaucoup moins vicieux justement. Il n'y avait pas tout ce côté transformer les gens en zombies pour prendre le contrôle de ces personnes, etc. C'était vraiment très voué, très orienté nature, très voué sur même à la plus le fait de communiquer avec des animaux morts, des entités mortes, etc. Et souvent fait à titre gracieux, donc par les chamans des tribus indiennes, ce qui est pas souvent le cas, par exemple, quand on parle de vaudou, etc. Même s'ils s'en défendent, souvent les prêtres chamans tirent avantage, pas forcément pécunier, mais ils se font loger, ils se font nourrir, ils trouvent leur intérêt dans le truc. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas cet aspect-là du côté indien d'Amérique du Nord. D'accord, très bien. C'est tout, hein, sur le vaudou, sur la nécromancie. On a bien fait le tour, je pense. Merci Thomas. On va marquer une petite pause avec une reprise assez spectaculaire de Paul Anka, une reprise de Black Olsen de Soundgarden par Paul Anka, la fameuse reprise de ce crooner donc à la Sinatra, Paul Anka, qui est donc peut-être au moins aussi célèbre que Sinatra lui-même et qui a fait un album de reprise surprenante puisqu'on y retrouve donc du Nirvana, du Soundgarden, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, la reprise de Soundgarden par Paul Anka. Restez avec nous, on revient juste après pour les infos bizarres. Le bizarre. l'implaçable, le décalé, sur Rage. On continue dans Exo 7. Exo 7 qui était donc ce soir consacré aux pratiques occultes, hein. Donc voilà, si vous nous joignez à l'instant, vous avez donc raté l'émission, c'est bien triste, mais dommage. Sachez qu'elle est rediffusée le mardi de 9h10 à 10h donc et 10h30. Et donc si vous êtes déjà mardi 10h30, eh bien alors là c'est bien triste, mais il n'y aura pas de troisième rediffusion, hélas. Donc voilà, on va passer aux infos bizarres, chers amis. Les infos bizarres avec la première donc qui nous parle d'ouvriers qui ont découvert, c'est un peu l'actu là qui a choqué le pays aujourd'hui, hein, donc des ouvriers qui ont découvert un tonneau de rhum jamaïcain s'il vous plaît, ouais. Un restaurant, une maison, on sait qu'il a vu en tout cas, voilà. Donc en fait ils restauraient une maison en Hongrie, ces ouvriers, et ils ont découvert un tonneau de rhum jamaïcain en restaurant la maison, et donc ils en ont bu le contenu qu'ils n'arrivaient pas à le déplacer. Voilà, parce qu'il était c'est une question de poids, bien sûr. Il était un petit peu lourd. Et donc, ils ont découvert avec effroi que ce tonneau contenait donc un cadavre. Hein. Bien macabre découverte, s'il en est. Mais l'alcool était très bon. Hein. Donc, il faut savoir qu'ils ont quand même bu les 300 litres jusqu'à la dernière goutte. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que le tonneau contenait un cadavre. Toujours lourd. Donc là, tout à coup, il y a eu comme un flashback, j'imagine, dans leur tête. Ils ont dû se dire, on a bu un alcool dans lequel était en train de moisir un mec depuis Mariner. 30 ans. Voilà, c'est donc ça doit faire son petit effet. Dégueulasse. Enfin, c'est une super idée de blague, ça, en tout cas. Ah oui, en tout cas, ou alors si le mec jouait à cache-cache, là, il a gagné, mais. Alors, l'enquête a établi que le corps était celui d'un diplomate hongrois décédé il y a 20 ans en Jamaïque, donc ça faisait 20 ans qu'il marinait dans son jus, donc ce jus qu'ont bu les ouvriers, et la veuve, donc, de diplomate, récemment décédée, donc, et dont la maison faisait l'objet de travaux de restauration à Zgzgzd, c'est absolument imprononçable. Attends, je tiens à dire, le tonneau était récupéré dans la veuve du diplomate. La veuve a rapatrié clandestinement son mari sans lui offrir de funérailles. D'accord. Et apparemment, elle l'a foutu dans ce tonneau de rhum jamaïcain. Bah, c'est pas plus mal pour la conservation. C'est sûr. Voilà. Maintenant, je sais pas, il faudrait peut-être l'opinion des ouvriers. Mais en même temps, ils avaient qu'à pas boire ce qui leur appartenait pas, cela. C'est vrai. Donc voilà. On continue avec une histoire qui nous vient du Brésil. C'est un cambrioleur, un braqueur assez particulier, puisque donc voilà ce qui s'est passé. Un braqueur de 26 ans qui était en train d'essayer de braquer un magasin d'électronique à Sao Paulo. Ils étaient donc 4. Et puis donc là, la police est arrivée et le chef du gang, donc des quatre voleurs, il a menacé de tuer les otages, hein, si tout se passait pas comme il avait prévu. Et là, on se demande ce qu'il lui a pris. Il a pris son téléphone portable et il a dit « On ne fera rien tant que je n'aurai pas appelé ma mère. » Donc le mec a appelé sa mère, histoire de savoir ce qu'il fallait qu'il fasse, parce que manifestement, donc là, il avait un petit peu perdu l'esprit, le garçon, il avait un peu pété les plombs, et c'était peut-être sûrement son premier coup, donc là, il savait plus trop quoi foutre, donc il appelle maman, hein, comme on fait dans ces cas-là, quand on sait plus trop quoi faire, et là, sa mère apparemment l'a calmé, et donc la police a pu donc régler l'affaire tranquillement, ils ont arrêté tout le monde, voilà. Le cambrioleur qui appelle maman, enfin c'est digne de Dalton qui appelle Matt Dalton dans Lucky Luke, c'est énorme. Et donc voilà. C'est ridicule. Oui. C'est un cambrioleur ridicule. On continue au Chili, donc pas très loin finalement. On fait un petit détour sur la gauche si vous voulez, vers l'ouest. Et c'est un couple qui va poursuivre un hôtel 5 étoiles après que la dame du couple se soit baignée dans la piscine de l'hôtel, donc 5 étoiles je le rappelle, donc ils étaient en lune de miel, hein, Carolina Careno et Francisco Vargas, donc voilà, ils se baignaient, puis tout à coup, la jeune femme est sortie de l'eau et ses cheveux étaient verts. Ouais. Voilà, les cheveux étaient verts. Alors bon, comme le dit le mari, tout était parfait, hein. Mais on a quand même senti quelque chose de bizarre dans la piscine. Il y avait quelque chose d'assez étrange. Et puis donc, quand ma femme est sortie de l'eau, elle était verte. Alors j'ai essayé de la décontracter. Apparemment, donc elle était assez remontée. Et donc maintenant, tout le monde l'appelle Miss Hulk. voilà. Et ils vont donc porter plainte contre cet hôtel 5 étoiles. C'est vrai que quand tu vas dans un 5 étoiles, le moins que tu puisses espérer, c'est de ne pas ressortir avec les cheveux verts. Sincèrement, je te jure, même avec dans un 1 étoile, oui. tu sors de la piscine avec les cheveux verts, je gueule ma race. Voilà, donc 5 étoiles, imaginez. C'est-à-dire il qu'à y a ce pas niveau-là. Il y a une piscine dans les 1 étoile. À ce dégoût-là, oui, mais ils peuvent même se la jouer pas là, à ce degré-là. Genre, appelez-moi le directeur et le mec justifie le truc en disant que c'est la dernière tendance de, chez les riches d'avoir les cheveux verts. C'est on vrai. On peut imaginer comme ça. Quel manque d'imagination. On verra ce qu'ils vont. Et ils ont une explication du pourquoi ça change en vert. Trop de chlore ou quoi. Le produit dans la piscine, ça lui atteint les cheveux en vert. On continue dans l'Illinois, un homme de l'Illinois donc qui fait un procès également, voilà beaucoup de procédures cette semaine. Il attaque, alors lui c'est quand même assez incroyable cette affaire, puisque donc cet homme s'appelle Scott Boutow, hein, il a 35 ans, et il avait engagé un conseiller conjugal parce que son mariage battait de l'aile donc. Et le truc c'est que ce conseiller conjugal donc recevait le mari et la femme séparément, puis un jour donc il s'est mis à draguer la femme du couple et puis finalement il se l'est tapé. Donc notre Scott Boutow a finalement engagé un conseiller conjugal qui se tapait sa femme dans son dos. On peut pas faire plus énorme que ça, le conseiller conjugal qui donc trompe le mari. Voilà, donc en même temps le mari si ça se trouve paye pour que sa femme aille faire des séances où elle se fait donner. C'est même concrètement ce qui s'est passé. Il doit kiffer, il doit être trop content. Alors évidemment il attaque parce qu'il dit oui voilà on avait confiance. Alors là c'est vraiment l'abus de confiance par excellence. Tu peux pas imaginer que le conseiller conjugal lui-même, c'est clair. Même à titre déontologique, c'est un peu comme un psy, je veux dire. Ah, ça c'est... craint un bloc, voilà, tu peux pas craint. Faire pire, quoi. Ah oui, là, vraiment. Ça craint. Et ben donc voilà. Hein, je vais ouvrir un cabinet, moi. À mon avis, oui, il va sûrement être radié de la profession, parce que là, on peut pas faire pire dans le domaine. Et voilà. Il devait avoir bien les boules, le Scott Boutow. Mais imagine, Patrick, c'est vraiment un coup de foudre. Il a pas pu se retenir. Il a dit je suis amoureux, c'est la femme de ma vie, et que la femme elle éprouve la même chose. Alors, il se dit tiens, c'est l'homme ces de ma vie. C'est l'homme de ma vie, je ne peux pas rien. Eh ben, je pense que si, admettons que ce soit. Dans ces cas-là, tu quittes l'autre personne. Tu préviens, tu dis bon, voilà, on va mettre les choses au point, il s'est passé quelque chose, je suis amoureux de votre femme, la femme dit ah, je suis amoureux du conseiller conjugal. J'imagine que l'autre, ça lui aurait fait un petit peu mal au cul, comme on peut dire. Mais il l'aurait pas forcément attaqué, en tout cas, puisque ça aurait été honnête. Donc là, ça s'est fait en cachette, c'est vraiment le comble. Moi, je suis pour l'amour libre. On continue. Moi aussi, dès que c'est pas ma copine. Dans le Nebraska, chers amis, à Omaha, une affaire donc d'enfants abandonnés, ou plutôt une affaire qui semblait être une affaire d'enfants abandonnés, puisque la police a reçu un appel d'une femme qui disait qu'une autre femme était venue devant chez elle avec un bébé dans ses couches et qu'elle l'avait laissé sur le pas de la porte, ce bébé. Donc la femme appelle la police, oui, il y a une femme qui a abandonné son bébé devant chez moi. Et en réalité, quand la police a fait sa petite enquête, il s'est avéré que la femme qui avait laissé le bébé était la grand-mère de l'enfant qui s'était tout simplement trompée. Elle croyait qu'elle amenait le bébé à la crèche et elle s'est juste trompée d'adresse, elle l'a amené chez une voisine. Oh d'accord, ouais, mais là, voilà. Ça doit commencer à avoir un petit problème dans le cerveau. D'Alzheimer, ouais. Mais alors le comble, c'est que la mère de l'enfant en question a été au courant de l'affaire quand elle a vu des photos de son bébé à la télé. Elle a vu des photos aux infos, genre un enfant abandonné. Ah, mais c'est mon fils. Donc voilà comment elle a su que sa propre mère avait donc abandonné son bébé devant. À mon avis, elle est pas prête de raccompagner le bébé à la crèche, la mamie. Non, je crois là que c'était la dernière fois. Hein. C'était clairement la dernière fois. D'ailleurs, la grand-mère cherche ton mari. Elle sait pas où elle l'a mis. Tout est permis. Elle l'avait déposé à la boulangerie, elle l'a porté. Voilà, on peut tout imaginer. On continue avec une histoire dans la plus pure veine exocète. Ça concerne un chantier naval de Barrow en Angleterre. Et donc ce chantier a la réputation d'être hanté, hein, ça fait des années et des années qu'il a la réputation d'être donc possédé par des esprits. Et malgré la modernisation récente de ce chantier naval, les esprits continuent à frapper et donc les ouvriers sont terrifiés. Alors si au moins ils enlevaient les plaques d'amiante, ce serait utile. Mais voilà. Mais ils sont nuls, ces esprits, ils font rien. Apparemment, c'est pas ce qu'ils font, hein, puisqu'ils se contentent plutôt de faire flipper les ouvriers en faisant des bruits. Alors, voilà. L'affaire remonte à il y a 8 mois, quand tout à coup, quelques phénomènes inexpliqués ont commencé à ressurgir dans ce chantier naval, puisque donc on parle de machines qui se mettent en route toutes seules, on parle d'ombres étranges qui disparaissent, on parle de bruits mystérieux dans les tuyaux, dans les conduits, dans les murs. Et donc les chefs prennent je t'ai reconnu Mika, je sais que c'est toi. Les chefs prennent l'affaire très au sérieux, puisque donc ils ont engagé un exorciste pour exorciser le chantier naval. Bien sûr. Alors par exemple donc est-ce que le fantôme Par contre, au niveau de l'eau de bénitier, il va en falloir quelques litres. Hein. Si c'est sur chaque bateau qui doit en balancer. Mais en fait, c'est pas sur le bateau. Non, ça, parce que ça n'avale rien. C'est sur le chantier naval. Oh oui. C'est sur le chantier naval lui-même qu'il va falloir mettre de l'eau bénite. Donc, et on a le témoignage d'un ouvrier qui s'appelle Alan Worsley et qui dit que les apparitions. N'importe quoi, les apparitions mystérieuses donc prennent différentes formes. Il dit que la dernière chose qui lui est arrivée à lui, donc c'est de voir effectivement une machine bouger toute seule alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Beaucoup de travailleurs sont terrifiés et il explique donc, ce Alan Worsley, qu'il y a par exemple deux gars assez baraques, très costauds, qui pour rien au monde ne montraient à l'étage la nuit. Pour rien au monde, parce que voilà, donc ils flippent beaucoup. Et donc parmi les gars terrifiés, il y a des chefs. Donc voilà, c'est quand même assez sympathique cette affaire de chantier naval hanté. Voilà, donc l'exorciste va venir, c'est quand même énorme hein, qu'il fasse venir un exorciste, mais apparemment les chefs prennent cette affaire très à cœur, puisque les ouvriers ne veulent plus bosser. Voilà. Bah oui, tu m'étonnes. Et alors c'est le genre de truc, on se dit, on aimerait y aller quand même. Hein, on aimerait savoir aller ce voir. Qui se passe, pour entendre des trucs bizarres, pour voir des trucs bizarres, on peut pas. Mais je suis sûr que c'est encore un lieu très propice aux fantasmes dans l'esprit, tu vois. Il doit y avoir des poutrelles partout, des épaves de bateaux qui font du bruit. Ça c'est clair. Mais là en l'occurrence, on a du mal à imaginer un intérêt commercial, parce que c'est vrai souvent quand on nous dit il y a un fantôme dans tel restaurant, dans tel hôtel, là ça attire la clientèle, alors que là ça fait plutôt fuir les ouvriers, c'est dans l'intérêt de personne. Pas vraiment. Donc voilà, c'est assez bizarre. Peut-être pour vendre plus de bateaux. Je sais pas si c'est très commercial de dire. Peut-être c'est pour fermer le chantier naval. Il est en faillite. Il est hanté. Allez, on ferme. On verra bien ça. On continue à Palm Beach en Floride avec un homme, donc Harold Bennett, qui est 65 ans, donc qui était en train donc de s'occuper de son jardin apparemment. Tranquille. Et là, il voit son voisin Judy Thompson, qui était en train lui de ranger des trucs dans sa cour. Alors il commence à taper le bout de gras, peinard, tranquille, il discute. Alors, t'as regardé le match ? Et puis là, tout à coup... Putain, l'OM a perdu. En fait non, il parlait de la saison des ouragans qui approchait. Ah. Et là, tout à coup, Harold Bennett a reçu la foudre sur la tête. Il a été foudroyé sur place. Donc, voilà. Son voisin dit que c'était comme si la foudre avait littéralement traversé son corps, comme s'il avait reçu une balle. Et il était tombé amoureux du voisin. Il est tombé, c'est peut-être le coup de foudre au sens propre, c'est vrai. Donc là, il est tombé raide mort. Foudroyé, littéralement. Et alors, bon, ce qui est assez effrayant, c'est que, en plus, donc, c'était pas, il y avait pas un orage, il y avait quelques gouttes. Ah, mais il parlait de tempête. Il disait du mal sur les tempêtes, ça peut se dire. Donc voilà, c'est quand même bien flippant ce genre de truc. Alors le voisin n'a pas été touché, puisque donc ils étaient à peu près à 8 mètres de distance, tous les deux. Il n'a pas été touché par... C'est bon, je n'ai rien. Par l'impact, par l'énergie de l'éclair. Ah, ça doit être donc, horrible à voir. Son voisin est raide mort. Voilà, il a vu son voisin se faire électrocuter devant lui. Foudroyé, ça doit être assez spécial. Ouais, surtout que l'éclair, ça doit être bien gros. Tu dois voir le gars dans un espèce de plasma d'électrique. Le bruit, t'imagines un petit peu. Le tonnerre qui te... Ah là, ça doit être un truc de malade. Voilà, on continue en Malaisie, à Kuala Lumpur, avec un homme de 33 ans, donc, qui vient d'épouser une femme légèrement plus âgée que lui, on va dire. Puisque donc cet homme, comme je vous le dis, a 33 ans, mais son épouse en a 104. C'est d'accord. Peut-être la plus grande différence d'âge de l'histoire. Et donc, cet homme qui s'appelle donc... C'est désintéressé en plus. Cet homme qui s'appelle Muhammad Nour Che Moussa, c'était la première fois qu'il se mariait, lui. Hein, c'était son premier mariage, alors que sa femme, c'était son 21e mariage en 104 ans. Et donc, il explique que c'est donc un respect mutuel et une amitié qui s'est transformée en amour. Donc, c'est quand même assez spécial. On m'enlèvera pas de l'idée hein, que c'est quand même assez arbre, cette affaire-là. Oui, moi aussi. Et, pourquoi donc, tu dis que c'est désintéressé? Oui, non, parce que donc Muhammad, qui est un ancien soldat, dit qu'il a trouvé donc la paix près de Wuk Kundur, puisque oui, c'est son nom. J'ai toujours kiffé les meufs de 104 ans. Il dit qu'au début, elle est pas trop bruyante. Au début, donc claque des dents. Au début, ils ont sympathisé parce que elle n'avait pas d'enfant, tout ça, elle était toute seule, donc il est venu s'en occuper. Et puis c'est devenu. Il cherchait une célibataire sans enfant. C'est vrai qu'il voulait pas s'encombrer des enfants. Et voilà. 104 ans. Sur un site de rencontre. Et il est donc tombé avec une femme qui pourrait donc être la grand-mère de sa grand-mère. Alors, à peu près. Ça va être spécial quand même, mais donc c'est ce qui s'est passé à Kuala Lumpur. En même temps, c'est son problème à Muhammad. Oui, c'est ce qu'il veut. Hein. Voilà. Et on finit avec la Philippine, messieurs dames, un juge philippin. Qui donc a déclaré qu'il pouvait voir dans le futur et il a admis qu'il consultait un juge. Oui, un juge. Ouais, il a admis qu'il consultait régulièrement des lutins hein, des lutins mystiques pour prononcer les verdicts, pour avoir donc des avis sur voilà sur les verdicts effectivement. Alors, alors il a été viré hein, par la Cour suprême. T'imagines, tu lis ça dans la presse et tu sais qu'à 13h t'es jugé par cet homme. Là, crois-moi, tu crois, tu mets tout ton espoir dans le lutin. D'après le deuxième petit lutin, vous êtes coupable, monsieur. Et alors voilà ce qui s'est passé. Donc il a été viré par la Cour suprême, évidemment, et il a dit je n'aurais pas dû être viré pour ça, pour mes croyances. Alors, il a eu en plus une amende, en plus d'être viré, une amende de 780 $, donc 40 000 pesos. Et en fait, on s'est aperçu de ça après 3 ans d'investigation quand même. Il y avait des doutes sur lui. Et là, après 3 ans, on s'est aperçu qu'il était donc incompétent et qu'il parlait à des lutins dans son tribunal. Et donc il a expliqué. Taisez-vous. Il a expliqué que les lutins qui s'appellent Armand, Louis et Angel, donc l'aider pendant les audiences. Et voilà. C'est les anciens boss bands. Mais en fait, il a dû regarder trop d'épisodes d'Ali McBeal ou quoi, un truc dans le genre. Ça doit être ça. Et donc les experts ont dit qu'il pouvait pas se prononcer sur sa folie, mais en tout cas, il pouvait se prononcer sur le fait qu'il était incompétent à juger des gens. Ça, au moins, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, plus de lutins, c'est terminé. cette émission touche à sa fin. Merci. Et pourtant, il aurait pu le prévoir. Il voyait l'avenir. C'est vrai, là, sur ce coup, il s'est fait un peu blouser par les lutins, ça peut arriver à tout le monde. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Vous retrouvez la suite des programmes de Rage juste après la pub, juste après la musique, voilà. Restez avec nous, bisous, bye bye. Salut. Exocet. Le bizarre, l'inclassable.